J'annonce un retour fulgurant, ma voix pénètre vos tympans avec mes phrases explosent, cervelle en gisement. Repère les gros labos. Je citerai pas les terres conquises, mais je tiens à lâcher une bise à ceux qui savent que le psychiatre arrive. Repère les gros labos. Et si tu m'aimes voir, t'as vu que j'avais pas de support. Tu m'as cru mort, maintenant tu collabores. Repère les gros labos. Je citerai pas les terres conquises, mais je tiens à lâcher une bise à ceux qui savent que le psychiatre arrive. Est-ce que nos gars sont à l'école, bloc nord, sud, est, ouest. Pour nos terres, on répond au SOS. À l'écoute, bloc nord, sud, est, ouest. Please, fils, au praclise, un avertissement. Au fils de pute qui brise nos divertissements. Trop de visements doux. Mon espèce vient du 13, 14, 15, 16 arrondissement. Les tours de la ville, nos drapeaux bleu, blanc. Où beaucoup ont pissé dessus. Car les majors n'ont pas nos dessous. Issus d'une famille musulmane, mes blessures ne se referment pas avec les pansements d'une banque. Ça, je te rassure, ma fierté. Lise sur ma plume, je suis pas Armstrong. Je vais pas faire le premier pas parce que certains se prennent pour la lune. D'ici à Hong Kong, j'entends le gong. La fin du monopole de ceux qui se disent. C'est vrai, prince du bitume, Geelong. Vie à ceux qui ont évité les ruses. Car comme Choupa Choups, beaucoup perdent la tête dès qu'on les suce. En tout cas, je rappe pour mes frères qui ont plus d'heures que Mylan. De quoi je te parle de mes putains de quartier langue. Repère les gros labos. J'annonce un retour fulgurant que ma voix pénètre vos tympans et que mes phrases explosent, cervelle en gisement. Repère les gros labos. Je citerai pas les terres conquises, mais je tiens à lâcher une bise à ceux qui savent que psychiatre arrive. Repère les gros labos. Et si tu m'importes, t'as vu que j'avais pas de support. Tu m'as cru mort, maintenant tu collabores. Repère les gros labos. Je citerai pas les terres conquises. Mais je tiens à lâcher une bise à ceux qui savent que le psychiatre arrive. Repère les collabos, car le terrain est miné. Dans le laboratoire des traites qui désignent un avenir prédestiné. Repère ces big mon cactus prématurés dans un cimetière où les dunes se transforment en pyramides aiguisées. Repère ces langues de pute, ces grosses putes. Quand les cours de langue pèsent, les balances virent à la dispute. Zut, j'allais oublier ces putains de politiciens. Ceux qui s'acharnent à faire pousser des roses dans ma cité en béton. Repère ces clones qui t'imitent, qui casse-cognent, qui militent au point de te détruire comme un cyclone. Trop de clous. Visages différents qui se font le même clash. Mais après des années jamais clean, on a toujours le même flash. D'une bonne baisse collective, toujours en tête comme Schumacher. Car le but de mon effectif, revendicateur à toute heure. Donc pour une bonne cuite, fuck fuck les collabos. Ceux qui créent des fuites alors que tu pourrais avoir de bons tuyaux. Repère les collabos. J'annonce un retour fulgurant que ma voix pénètre vos tympans et que mes phrases explosent, cervelle en gisement. Repère les collabos. Je citerai pas les terres conquises, mais je tiens à lâcher une bise à ceux qui savent que psychiatre arrive. Repère les collabos. Ici tu m'importes, t'as vu que j'avais pas de support. Tu m'as cru mort, maintenant tu repère les gros labos. Je citerai pas les terres conquises, mais je tiens à lâcher une bise à ceux qui savent que le psychiatre arrive. Nos gars sont à l'écoute. Bloc nord, sud, est, ouest. Pour nos terres, on répond au SOS. À l'écoute. Bloc nord, sud, est, ouest. Quartier N, monopole. Repère les collabos, gomme. Tous ces traits, j'ordonne. La mort d'homme. Vision type de film gore. Psychiatre sur pied de guerre, t'as dû être averti depuis le temps qu'on dort. Réaction négative envers ma famille. Et comme tu vois, on a la salmine qui parle la famine. Qui te plante ma canine en schéma team. On va te faire goûter la gamelle à goût de morphine. J'estime que l'heure n'a pas sonné pour nous les passionnés. Du coup, cherche repère chez vous. Mais dis-leur bien que le retour au territoire sera tragique. Fuck les collabos, j'agite l'encre. Moyen de dialoguer avec mes semblables. Sincère comme quand les aînés te racontent leurs légendes incroyables. Chacun son heure. Est-ce que nos gars sont à l'écoute? Bloc nord, sud, est, ouest. Pour nos terres, on répond au SOS. À l'écoute. Bloc nord, sud, est, ouest. Repère les collabos. J'annonce un retour fulgurant que ma voix pénètre vos tympans et que mes phrases explosent, cervelle en chisement. Repère les collabos.